Marceline Desbordes Valmore. Les mots tristes. Quoi ? Je mourrai ? Quoi ? Le temps à sa suite amènera l'irrévocable jour, le jour muet et sombre où, sans retour, s'arrêtera ce cœur qui bat si vite. Madame aimable, t'as-tu ? Souvent, toute plongée au fond de ma tendresse, expiant, Dieu le veut, le nom de ta maîtresse, je pense que je souffre, et mes temps, c'est souffrir. Qu'un jour je t'ai vue pâle, et que l'on peut mourir, jeune, entends-tu ? Je meurs pour mourir la première, pour braver avant toi la nuit ou la lumière. J'entends des mots affreux teintés autour de moi, ces mots que dans l'enfance on apprend sans les croire. Roulant, sans la troubler, au fond de la mémoire, inécoutés longtemps, longtemps vide d'effroi, tout à coup plein d'accents, plein de deuil, plein de larmes, bondissant sur le cœur comme un tocsin d'alarme. C'est la cloche effrayée au cri sinistre et prompt, dont le pouls bat rapide et fiévreux dans l'espace, redoublant son frisson avec la mort qui passe. De pâleur et de crainte, elle cerne mon front. Sous mes cheveux levés, une eau froide circule. Ah, ne t'étonne pas, j'aime, je suis crédule. Ou plutôt, j'ai des yeux qui plongent sous les fleurs. Au fond de nos baisers, je sens rouler des pleurs. L'avenir sonne. Arrête. Oh, que nous marchons vite. Qu'une heure a peu de poids sur un cœur qui palpite. Ne peut-on lentement respirer le bonheur? Vivre sans éveiller le temps et le malheur? Embrasse-moi, plus près de ta moitié qui tremble. Laisse passer la vie. Elle nous aime ensemble. Quand tu m'as dit adieu, je me donne à rêver, et les mots qui font peur reviennent me trouver. Ils disent que l'on meurt en sortant d'une fête, et je t'y vois courir, et je cache ma tête, et leur son plus aigu siffle entre mes doigts. On meurt, on meurt, on meurt, on se quitte une fois. Puis ton nom, ah, ce nom m'éveille, il me rassure, ton baiser presse encore mes lèvres, j'en suis sûre. Et je m'appelle folle en me sentant frémir. Vois qu'un portrait de toi serait doux sous mes larmes. Et je n'ai que ton nom, pas d'autres armes. Si je chantais, ma voix sortirait pour gémir. À mon âme qui pense, elle reste attachée. Dans mes pâles tourments, je demeure cachée. Alors je rêve un monde où dureront toujours les caresses du cœur et les libres amours. Prends mes ailes, viens, viens où jamais la pensée n'est un poignard armé contre une âme oppressée. Songes-y, plus d'absence et personne entre nous. Là, notre âme d'amour n'ont plus de nœuds jaloux. Là, jamais un fil noir ne traverse la joie des fuseaux toujours pleins d'or et de pure soie. Avant de t'avoir vu, devines-tu comment j'entrevoyais du ciel le vague enchantement? Je regardais toujours, comme à travers un voile, on s'amuse à chercher la forme d'une étoile. Sous l'immense rideau, je ne pouvais saisir que des objets sans traits, pour mes yeux sans désir. Trop faible à m'élancer au-delà de mon être, je rentrais dans ma vie en te cherchant, peut-être. Car, toujours, comme toi, brûlante, avec langueur, sans t'avoir vu des yeux, je te cherchais du cœur. Et je disais le soir aux vives étincelles qui, dans l'ombre, éclairaient mes doutes à genoux, « Dieu jette-t-il aux nuits de si douces parcelles pour écrire son nom entre le ciel et nous ?» Et je rêvais le bruit de feuilles immortelles qui ne s'envole plus sous la laine de l'air, sans nuit, sans froid, sans peur d'expier par l'hiver de longs jours transparents comme les cœurs fidèles. Et puis, en frissonnant, j'osais rêver encore je ne sais quel appui qui manquait à mon sort. Là, du moins, je voyais les pauvres sans alarme, sortis de leurs lambeaux que Dieu n'a pas perdus, rassasié d'un pain qui ne s'épuise plus, à l'immense festin payé de tant de larmes. Un roi, de l'homme nu devinant les douleurs, sans sceptre, sans couronne, à la pitié sensible, agenouillé devant sa victime paisible, pesant ses fers tombés et les mouillant de pleurs. Du riche repentant l'âme enfin éclairée, versant un doux breuvage à quelque âme altérée. C'était beau, c'était tout. Quand ta voix me parla, le rideau s'entr'ouvrit, l'éternité brûla. Le ciel illuminé s'emplit de ta présence. Dieu te mit devant moi, je compris sa puissance. En passant par tes yeux, mon âme a tout prévu. Dieu, c'est toi pour mon cœur. J'ai vu Dieu, je t'ai vu. Mais pour te retrouver dans cette joie immense, il faut franchir l'espace, et la mort le commence. Horreur, il faut passer par un étroit cercueil, quitter ta main qui brûle et ta voix toujours tendre. Ah, dans le désespoir d'être un jour sans l'entendre, tout mon ciel se referme. En tremblant, sur le seuil où la cloche qui pleure est toujours entendue, pour nous éteindre, à deux, je suis redescendu. Où ces signaux de mort envoyés devant moi s'allument et longtemps tremblent comme des lampes qu'on voit glisser au loin sur les gothiques rampes d'une église où je vais le soir prier pour toi. Dis, cette ombre qui passe auprès de la chapelle, est-ce ton âme en peine, en quête de mon sort? Sous une aile tremblante et paresseuse encore, dont le doux bruit de plumes et mes fleurs et m'appelle. Heureux qui s'abandonne, oh, tu l'as dit souvent, et qui s'envole à Dieu comme la plume au vent. Mais tiens, pour remonter, intrépide hirondelle, le chemin lumineux qui ramène au soleil, pour partir en aveugle, en joie, à tire-d'aile, et ne voir devant soi que l'horizon vermeil, il faut mourir, enfant. Il faut, doux somnambule, s'élançant par la tombe au jardin sans hiver, ne pas se réveiller à la voix des pervers et du sein maternel s'en retourner, crédule, comme un doux rossignol sort du fond d'une fleur, sans avoir répandu sa voix sur la vallée, et va frapper aux cieux pour son hymne exilé qui ne veut pas apprendre à chanter la douleur. Beaux enfants, tout pétris de baisers, de prières, faible signe tombé des célestes bruyères, au duvet encore chaud de la main du Seigneur, et qui ne voulait pas ramper vers le malheur. Vous faites bien, restez à l'alphabet d'un ange, dont chaque lettre sainte est un signe d'amour. Solfège harmonieux, où nul accord ne change, et dont la clé sonore ouvre un autre séjour. Mais quand Dieu nous reprend vos ailes et vos charmes, que dit-il de les voir humides de nos larmes? Et toi, viens-tu? Viens donc, car au bruit de tes pas, ma peur s'envolerait, je ne les entends pas. J'étends mes mains au jour, et je le trouve sombre. Je cherche à m'appuyer comme un enfant dans l'ombre. Je lis ou je crois lire, et les lugubres mots en oracle rangé décrivent deux tombeaux qui, retenant sur eux ma frayeur arrêtée, sortent en traits de plomb de la page irritée. Il faut fermer le livre et tomber à genoux. Il faut dire, mon Dieu, priez pour lui, pour nous. Et me voilà, voilà comme tu m'as rendu. À deux pas de tes pas, je suis seul, perdu. Je dépends d'un nuage ou du vol d'un oiseau, et j'ai semé ma joie au sommet d'un roseau. Les pleurs, 1833.